donne-moi un peu de courage pour t'ouvrir mon cœur. Je serai là dans tes soucis et tes malheurs, dans ton sourire et ton bonheur, dans ta tristesse et tes erreurs. Plume entre les dents, sur un nuage quand tu t'échanges. Non, non, tu sais pas de quoi je parle. J'écris H24 juste pour elle. Des poèmes triés par dizaines et gros. J'suis fou amoureux d'elle. C'est comme un soleil au fond de mon cœur qui me réchauffe. C'est comme un bon cœur au fond de mon cœur. C'est comme la plus belle des couleurs. Quand je te regarde, je sens comme une douceur. Mon cœur, mon amour, mon bonheur, mon humeur. Cette pointe au fond de ses yeux que je peux même pas t'expliquer. Un sourire glissé que j'adore réveiller. Tu es si précieuse comme la seule flamme qui illumine ma pierre creuse. Ok, voici l'histoire brève de mon chemin. Y'avait des branches, enfin bref, écoute le mien. Des je t'aime, des traits par-ci, par-là. Des guerres et de la haine, des peines et des galères. Quand j'ai rencontré elle, seulement ces quatre lettres vous montrent l'amour aussi grand que la tour Eiffel que je porte pour elle. Elle, c'est mon antidote, mon oxygène. Une heure sans nouvelles de elle, c'est comme un jour sans soleil. Pour toi, je pourrais écrire 1000 poèmes. Changer de chaîne, c'est pas Roméo et Juliette, c'est moi plus elle, yo. C'est moi plus elle.